Je circule sur une autoroute et manifestement, il n'y a pas foule. Ce panneau temporaire ne prévient pas d'un risque de bouchon, mais d'un embouteillage réel. Ce danger et cette gêne peuvent apparaître de manière brusque et inattendue. Dans cette situation, et pour le moment, je ne distingue absolument aucun ralentissement. Réponse B.